messieurs, bambini et bambine, nous sommes live sur Lumpen Station, la web radio de l'espace libre de Bienne. Ce soir, en extramuro, depuis le tennis champagne du stade Gourcelaine. Pendant la prochaine heure, nous allons écouter un radioconcert de Jonathan Frigeri, conçu et réalisé pendant la résidence de création radiophonique de la durée d'une semaine, à l'espace libre géré par Andrea Marioni. Nous parlons de concert radio, de musique pour la radio, car nous croyons dans une hypothèse initiale dans laquelle une musique spécifique pour la radio existe et dans laquelle la situation d'écoute idéale se fait par le dispositif radio, par le haut-parleur de la radio. Par exemple, la radio s'écoute souvent en faisant d'autres activités, en arrière-plan. Donc n'hésitez pas à vous distraire. Écoutez les autres sons de votre entourage. La radio est comme un vol de l'esprit, un rêve sans corps tangible. C'est un concept désincarné de transfert d'idées. La radio n'est pas simplement écouter du son, mais c'est aussi une alchimie qui rend les nuages habitables, permettant à travers ce petit outil, de saisir des idées qui flottent entre le ciel et la terre et le mettre dans sa propre poche. Bonne écoute sur Lumpen Station. Thank you. Wow.

Raya kanama, tuskan kanama, Vous êtes gentiment invité à quitter votre corps et vous promener au milieu de votre âme. Das ist die Ende der Radiosendung. Sie sind herzlich eingeladen, Ihren Körper zu verlassen und spazieren gehen in Ihre Seele. Questa è la fine dello spettacolo. Questa è la fine dello spettacolo. Siete gentilmente invitati a uscire dal vostro corpo e passeggiare nel mezzo della vostra anima. This is the end of the show. You are kindly invited to leave your body and go for a walk in the middle of your soul. Ceci est la fin de l'émission radio. Vous êtes gentiment invité à quitter votre corps et vous promener au milieu de votre âme. Das ist die Ende der Radiosendung. Sie sind herzlich eingeladen, Ihren Körper zu verlassen und spazieren in Ihre Seele. Questa è la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, questa è la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista. Questa è la questione.